Chapitre 18e. Si la lettre du colonel avait amené un changement tout à fait caractéristique dans les rapports du prince et de Carmelita, elles en avaient produit un autre, non moins sensible et non moins curieux, dans le langage de la comtesse Belmonte. Jusqu'à ce moment, la comtesse avait eu une façon de s'exprimer particulière et bizarre. Pour elle, tout était au passé, rien n'était au présent. Elle ne disait jamais « je fais cela », mais toujours « j'ai fait ». Aujourd'hui était supprimé, autrefois existait seul. Mais ce qui rendait ce langage plus étrange encore, c'est qu'elle ne parlait jamais d'elle qu'à la troisième personne. Alors la comtesse Belmonte, qui était jeune, se mit à rire joyeusement. À l'entendre, sans la connaître, on pouvait croire qu'elle parlait d'une comtesse Belmonte, qui avait été son amie ou sa parente, laquelle comtesse Belmonte était morte depuis plusieurs années. Cela était d'autant plus sensible que les histoires qu'elle racontait sur cette comtesse Belmonte étaient nombreuses, et qu'elle avait retenu, avec une mémoire merveilleuse, les moindres faits qui se rattachaient à la vie de cette fameuse comtesse, de même que ses paroles les plus insignifiantes. Volontiers, on lui eût demandé quand elle avait eu la douleur de perdre cette amie si chère et si intéressante. Et de fait, n'était-elle pas morte réellement le jour où, ruinée, elle avait disparu du monde pour aller s'ensevelir elle-même dans son château délabré? De la comtesse Belmonte, des princes Mazzazzoli, il restait une ombre. Mais la comtesse elle-même était bien morte. Voilà pourquoi elle ne parlait des beaux jours de sa vie qu'au passé. Mais les lettres du colonel et le prochain mariage de sa fille la ressuscitèrent. Sa période de sommeil hivernal, si l'on peut s'exprimer ainsi, était finie. Du passé, elle entrait brusquement dans l'avenir, et les deux se soudaient solidement en supprimant le présent. Elle avait été, elle serait. Dans sa vie, la période de misère était supprimée et n'avait jamais existé. La comtesse Belmonte, qui avait eu des histoires si curieuses, redevenait la comtesse Belmonte et reprenait son rang dans le monde. « La première chose à faire, dit-elle en interrompant les explications que le prince donnait à Carmelita, sera d'acheter le château de Montelupo. » Ils relevèrent la tête, tous deux interdits, car la comtesse parlait comme quelqu'un qui se réveille d'un lourd et long sommeil. « Je dis, continua-t-elle, qu'il faudra tout d'abord acheter, coûte que coûte, le château de Montelupo. On pourrait nous l'enlever. J'ai rêvé que Girolamo della Quercia voulait nous le devancer. On rasera la tour qui domine Belmonte, et Belmonte dominera à son tour Montelupo. C'est la première chose à faire. Je pense, Carmelita, que tu auras cette fierté pour le berceau de ta famille. La première chose à faire, répliqua le prince en haussant les épaules, c'est le mariage. Il est fait. Pas encore. Et avant de savoir si l'on rasera la tour de Montelupo, il faut s'occuper de ce mariage et du régime qui sera adopté. J'exigerai le régime de la communauté, le seul qui soit juste et digne. « C'est bien, répliqua la comtesse, parfaitement indifférente à cette question de régime. J'achèterai un Montelupo avec les revenus de ma pension. Je n'aurais pas cru que ma fille me refuserait la satisfaction d'un désir si légitime. Mais puisqu'elle se laisse guider par vous, rien ne doit m'étonner. Je dois m'attendre à tout. Avant de disposer de votre pension, attendez que vous l'ayez. Prétendez-vous m'en refuser une? Je prétends tout d'abord faire face aux engagements que j'ai pris. Payez vos dettes, alors. Ces dettes sont les vôtres, pas les miennes. C'est en vue de ce mariage qu'elles ont été contractées. C'est ce mariage qui doit les payer. » À ce mot, la comtesse se tourna vers sa fille. « Prends garde à toi » s'écria-t-elle. « Mais, ma mère, je dis que si tu as la faiblesse de te laisser conduire par ton oncle, tu seras perdue comme je l'étais moi-même. » « Ce que vous dites là est une monstruosité !» s'écria le prince. « Ce sera une vérité. Je me suis sacrifié pour préparer ce mariage. J'ai donné mon temps, ma peine. Au profit de qui? Au vôtre. C'est pour vous que vous voulez marier Carmelita. Ce n'est pas pour moi. Et la preuve, c'est que vous refusez d'acheter Montelupo. Pourquoi? Parce que Montelupo me plaît. Qu'importe de prendre une petite somme sur la fortune de cet Américain du diable pour satisfaire cette envie. Il importe, au contraire, de le ménager habilement pendant les premiers temps. Plus tard, nous verrons. Plus tard. Je n'ai pas comme vous la folle prétention de vivre éternellement. Ce que vous appelez plus tard, d'ailleurs, je sais ce que c'est. Le jour, n'est-ce pas, où vous aurez satisfait tous vos caprices et vous vous serez refait une fortune avec celle de mon gendre. Mais je ne le souffrirai pas. Sachez-le, ce sera mon gendre à moi. Cet entretien, qui avait commencé par des larmes de joie, se termina par des larmes de colère. C'était pour elle que la comtesse Belmont ait marié sa fille. C'était pour lui que le prince Mazzazzoli mariait sa nièce. En partant de ce point de vue, chacun avait ses prétentions qu'il voulait faire triompher. Au milieu de cette lutte, Carmelita restait impassible, regardant celui des deux interlocuteurs qui parlaient et ne disant rien elle-même. Enfin, profitant d'un moment où sa mère et son oncle étaient à bout de force, elle étendit la main d'un air nonchalant et d'une voix calme. « Alors, dit-elle, le colonel et moi, nous ne comptons pas. Suis-je ta mère ? » s'écria la comtesse. « Suis-je ton oncle ? » s'écria le prince. Sans leur répondre, elle prit son chapeau et le posant sur sa tête. « Puisque je suis guérie, dit-elle en bouclant une mèche de ses cheveux, je vais me promener dans la montagne. Mais, au revoir !» Et ne voulant rien entendre, elle se dirigea vers la porte. Mais, prête à sortir, elle se retourna, et les regardant l'un et l'autre, avec un sourire moqueur et énigmatique qui donnait un caractère si étrange à sa physionomie, « On m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant qu'on l'ait mis par terre !» Et ayant débité ses deux verres avec une emphase comique, elle ferma lentement la porte. Mademoiselle Belmonte, qu'on disait mourante, se promenait seule. Ce fut une révolution dans l'hôtel. Ne s'était-elle pas échappée dans un accès de fièvre chaude? Il y eut de bonnes âmes qui eurent l'idée d'en prévenir la mère. Sans doute, elle ne savait pas que sa fille avait quitté la chambre. Peut-être la croyait-elle endormie. Quelle surprise en ne la voyant plus dans son lit. Cependant, d'autres âmes, non moins bonnes, mais plus portées à l'observation, ayant remarqué que la malade marchait avec le plus grand calme, sans hésitation comme sans faiblesse, on se dit que c'était peut-être une promenade de convalescence qu'elle faisait. Alors, pourquoi sa mère et son oncle n'étaient-ils pas avec elle? Après une pareille maladie, il était imprudent de la laisser sortir seule. Avait-elle été vraiment malade? Ce doute, timidement émis, souleva des protestations générales. Malade? Elle avait été à la mort! Alors, sa maladie, qui s'était déclarée si brusquement, s'était guérie non moins brusquement, et le second fait était encore plus surprenant que le premier. Mais ce qui parut peut-être plus surprenant encore, ce fut le menu du dîner offert à une convalescente. Depuis le départ du colonel, le prince Mazzazzoli avait continué de prendre ses repas dans la salle commune, mais sur une étable particulière, tandis que la comtesse se faisait servir dans la chambre de sa fille. Quand les hôtes du Rigi descendirent pour dîner, ils aperçurent la table du prince dressée avec un luxe qui n'était point ordinaire et qu'on n'avait même jamais vu pendant le séjour du colonel. Trois couverts étaient préparés sur la nappe. Bientôt, la comtesse Belmonte entra dans la salle et derrière parut le prince, donnant le bras à Carmelita qui, pour une convalescente, avait une mine superbe, le teint animé, les lèvres roses, les yeux brillants. Comme elle regardait la table avec un certain étonnement, « J'ai voulu fêter ta guérison, » dit la comtesse en souriant, « et je t'ai commandé un dîner qui sera de ton goût, je l'espère. » Et elle énuméra complaisamment le menu, qui, par sa composition, faisait honneur à ses connaissances gastronomiques. « Pour moi, » dit le prince, « je ne me suis pas occupé du solide, mais j'ai commandé les vins. » Il n'était plus question aujourd'hui de ne dépenser que 6 sous pour un repas de 3 personnes. Et il n'était plus besoin de ménager les 7 500 francs si laborieusement amassés pour ce voyage en Suisse. Encore quelques jours, et l'on tenait les millions du colonel Chamberlain. « Je te recommande ce filet de chevreuil, » dit la comtesse en servant sa fille. « Goûte-moi ce château Margaux, » dit le prince en emplissant le verre de sa nièce.